La délégation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, conduite par son député Pang Myung-gu, vice-ministre des Affaires étrangères, a regagné le 6 courant La Patrie par avion au terme de sa participation à la 9e Assemblée générale du Parlement asiatique tenue au Cambodge. À l'Assemblée générale, le chef de la délégation coréenne a indiqué le succès du peuple coréen dans l'édification d'une puissance socialiste sous la direction sage du camarade Kim Jong-un et l'attitude de principe du gouvernement de notre République pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne. L'Assemblée générale a adopté une résolution traduisant le contenu sur l'établissement d'un système d'assurance de paix efficace pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne. Au cours de l'Assemblée générale, la délégation coréenne a rendu une visite protocolaire au président du Parlement cambodgien et s'est entretenue avec le secrétaire général du Parlement asiatique.